Chapitre 14e. Il était 2 heures du matin. Le bal continuait encore. Faustine voulut sortir. Son valet de pied, nommé Ernest, qui devait venir la chercher, n'était pas arrivé. Mario lui offrit sa voiture. « Je vous reconduirai chez vous si vous le permettez, » dit-il, « et je reviendrai savoir ce qu'est devenu Ernest. » Faustine accepta. Mengen l'enveloppa soigneusement de son manteau et sortit avec elle. « Je profiterai de votre complaisance pour vous remettre la lettre de Charlotte, » lui dit Faustine en montant en voiture. « Dès demain, vous écrirez à vos parents, n'est-ce pas? Quand pourrons-nous recevoir la réponse? Dans une semaine. Eh bien, d'ici là, je ne parlerai de rien à Madame von Stein. » Au bout de quelques minutes, la voiture s'arrêta devant la demeure de la comtesse. La femme de chambre de celle-ci veillait dans une salle basse pour attendre son retour. « Où est Ernest ?» lui demanda Faustine. « Ernest, madame, il est parti depuis 1 heure pour aller vous chercher, un peu après l'arrivée de monsieur le baron Clément Baldorf. »« Le baron Clément est ici ?» s'écria Faustine. « Oui, madame la comtesse, depuis 1 heure, comme je vous le disais. Comment avez-vous pu recevoir quelqu'un quand la nuit est si avancée ?»« Ce n'est pas moi, madame, c'est Ernest. » Faustine, extrêmement contrariée de cette nouvelle, se dirigea à la hâte vers le salon, en ouvrit la porte, et entra suivi de Mengen qui gardait le silence. Le salon, faiblement éclairé par une lampe posée sur la cheminée, paraissait désert. Mais Faustine, l'ayant parcouru d'un coup d'œil rapide, ne tarda pas à percevoir Clément Baldorf. Il était enfoncé dans l'angle d'un canapé. Sa tête reposait sur un coussin qu'il avait disposé à cet effet. Une de ses mains la soutenait, l'autre était négligemment posée sur le dossier du meuble. « Baron Baldorf ?» dit Faustine d'une voix haute et ferme. Clément se redressa en sursaut. « Je crois vraiment qu'il dormait, » continua Faustine en s'adressant à Mario. « Sans doute, et il en avait besoin, » répliqua celui-ci avec beaucoup de tranquillité. « Baron Baldorf, » ajouta-t-il en secouant Clément par l'épaule, « nous allons partir ensemble, il se fait tard. La comtesse est fatiguée. Il est temps de la débarrasser de notre présence. » « Débarrassez-la de la vôtre, » répliqua Clément. « Moi, je reste. » Il se laissa retomber lourdement sur le canapé, mais regardant Faustine, debout devant lui. « Oh, oh, vous rentrez à 7 heures, madame, et dans une toilette de bal, ce me semble. Qu'est-ce que cela signifie ?» Mario comprit que Baldorf avait passé la soirée avec ses amis les étudiants. Il retira tranquillement des épaules de la comtesse son manteau dont elle était enveloppée, le plia, le mit sous son bras, et il dit à Clément « « Mon cher monsieur Baldorf, madame la comtesse vous expliquera tout cela demain. Il est bientôt 3 heures du matin, laissons-la seule, je sors avec vous. » Clément ne daigna pas à répondre à cette invitation et garda la même attitude. Faustine ne concevait rien à sa conduite, encore moins au sang-froid et à la patience de Mario, et ses traits exprimaient le plus grand étonnement. Mario s'approcha d'elle et lui dit à mi-voix « Il est ivre. » À cette révélation, Faustine poussa une exclamation d'horreur, et par un geste plein d'effroi, elle saisit le bras de Mario auquel elle s'attacha comme pour y chercher un appui. Clément vit ce mouvement, il grinça des dents, serra les poings, et faisant un effort pour se soulever sur ses jambes chancelantes, « Est-ce que vous avez peur de moi ? » cria-t-il à Faustine. « Peur de moi ? » répéta-t-il, avec une ironie amère et retombant de nouveau sur le canapé. « Non, je n'ai pas peur, » répondit Faustine. Mais son bras ne quittait point celui de Mario, elle était toute pâle et tremblante. Le comte résolut de mettre fin à cette scène pénible. « Madame, dit-il à Faustine, veuillez me confier la lettre en question et me permettre de vous souhaiter bonne nuit. » Faustine entra dans sa chambre à la porte de laquelle Mario la suivit. Elle lui tendit la lettre de Charlotte, le remercia et s'enferma chez elle. Mario revint auprès de Clément. Celui-ci s'occupait depuis quelques instants à placer sous ses pieds un tabouret. C'était une entreprise laborieuse qui réclamait tous ses efforts. Ses mains, mal dirigées par ses yeux, s'agitaient inutilement dans le vide, et quand, par hasard, elles atteignaient l'objet qu'elles cherchaient, c'était pour le lancer au loin ou le renverser. « Êtes-vous prêt, monsieur Baldorf ?» lui demanda Mario. « Prêt ?» répliqua Clément en poursuivant sa tâche. « Comment diable serais-je prêt ? Ce tabouret, que le ciel confonde, ne veut absolument pas. Cette fois, là, je le tiens. Je suis très bien à présent. » Et s'enfonçant dans l'angle du canapé, il allongea ses jambes. « Est-ce que vous prétendez passer la nuit dans ce salon ?» lui demanda encore Mario en conservant un ton de douceur persuasive. « Certainement, » répondit Clément. « Je prétends. La comtesse Faustine me doit des explications. Des explications catégoriques. Elle m'a manqué de parole ce matin. Et ce soir, elle m'a fermé sa porte. Mais puisqu'elle était au bal, elle ne pouvait vous recevoir. C'est égal. » continua Clément qui s'obstinait dans son idée. « Elle m'a fermé la porte. Elle me doit des explications. » « Vous voyez qu'elle s'est retirée dans sa chambre à coucher, » reprit Mario avec la même patience. « Vous ne pouvez, sans sa permission, pénétrer dans ce sanctuaire. Les convenances, c'est juste. » repartit Clément avec une gravité d'ivrogne. « Les convenances. Je respecte les convenances et j'attendrai jusqu'à demain pour les explications. » Pour les explications qui me sont dues. Je suis très bien ici. » Et en parlant ainsi, il s'arrangeait dans son coin pour être le plus confortablement possible. Mario ne répliqua rien. Il ôta son chapeau qu'il plaça avec son manteau sur un fauteuil et alla s'asseoir tranquillement à l'autre extrémité du canapé. Puis, croisant ses jambes, il eut l'air de chercher une position commode, comme s'il eût projeté de rester là pendant un intervalle de temps considérable. Ces préparatifs silencieux alarmèrent Clément et triomphèrent de la somnolence qui peu à peu s'emparait de lui. « Est-ce que vous passez la nuit sur ce canapé ? » demanda-t-il à son tour avec un accent de colère. « Certainement. Qui vous l'a permis ? Personne. Je fais comme vous. Je prends cette permission sans la demander. Et vous resterez là jusqu'au matin ? Jusqu'au matin. Diable, vous aurez froid. J'ai mon manteau. » Deux sentinelles à une même porte. Une est de trop. Elle tiendra compagnie à l'autre. Bonne nuit. Bonne nuit. » Clément ne résista plus à l'influence léthargique. Sa tête appesantie se renversa sur le dossier du canapé et il s'endormit en murmurant « Elle me doit des explications. » Mario se tenait immobile, attendant que le jeune baron fût un peu plus avancé dans le premier sommeil. Le pauvre Clément ne fut bientôt plus qu'une masse inerte que Mario confia à deux domestiques et que l'on transporta à l'hôtel où logeait l'écolier d'Iéna. Délivré de ce soin, Mario se fit ramener au bal afin d'apprendre des nouvelles d'Ernest. Celui-ci n'avait point encore paru. Le comte mit son Jaeger en sentinelle à la porte et le chargeant de venir l'avertir dès qu'Ernest serait arrivé. Une demi-heure après, le Jaeger l'informa que le fugitif était de retour mais qu'il était ivre. « Conduisez cet homme chez moi, » répondit Mario. « Le cocher suffira pour me ramener. » Lorsque Mario fut rendu à l'hôtel de l'ambassade, où il occupait un appartement, Ernest, soutenu par le Jaeger qui guidait ses jambes avinées, comparut devant lui. Le pauvre Ernest s'était laissé conduire docilement sans se rendre compte de la direction qu'on lui faisait prendre. Il avait encore sur son bras le manteau de la comtesse, et s'imaginait probablement que c'était elle-même qui le mandait en sa présence. À l'aspect du comte, que malgré les vapeurs du vin, il reconnut tout de suite, il demeura frappé de stupeur. « Ernest, » lui dit Mario d'une voix sévère, « que signifie cette conduite ? Dans quel état est-ce que je vous vois ?»« Excellence, » balbutia Ernest en cherchant à s'appuyer sur le dossier d'une chaise. « Ce n'est pas ma faute. C'est le vin et quoi, achevé ? Monsieur le baron Waldorf. » »« Le baron Waldorf, comment cela ?»« Je vais vous expliquer tout fidèlement, si votre excellence veut le permettre. Oui, c'est la faute de monsieur le baron Waldorf. Plus encore que celle du vin. Le vin, je n'ai rien à dire contre lui, il était bon. Mais monsieur le baron Waldorf, il est venu me signifier qu'il fallait partir pour aller chercher madame la comtesse. Ce n'était pas encore l'heure qu'elle m'avait indiquée. Notez bien cela. Monsieur le baron a insisté, et pour me décider, il m'a mis dans la main un Frédéric d'or. C'est une raison déterminante, je suis parti. Arrivé à la maison du bal, on me dit que j'aurais à attendre longtemps. Il faisait un froid du diable. Et comme un cabaret se trouvait près de là, ma foi, j'y suis entré pour me réchauffer et j'ai demandé une bouteille, toujours à cause du froid. Une bouteille en amène une autre, insensiblement. Quand on a un Frédéric d'or dans sa poche et que le vin est bon, j'ai donc bu la seconde bouteille. Peut-être en est-il venu une troisième. Je n'ai pas compté. Ni les bouteilles, ni les heures. Mais voilà comment je me suis attardé. Par la faute de monsieur le baron Waldorf. Dites par celle de votre ivrognerie. Moi, ivrogne? S'il plaît à votre excellence, je n'aime le vin que... quand je le bois, mais je vais m'expliquer à ma gracieuse maîtresse. Votre maîtresse n'a plus besoin ce soir de vos services. Mon Yagor va vous emmener coucher dans sa chambre. Quant à ce manteau que vous portiez à la comtesse, laissez-le ici. Ernest obéit à cet ordre. Il déposa le manteau sur un fauteuil et sortira. Mario attendit que la porte fût fermée. Dès qu'il se vit seul, il se leva, et s'approchant du meuble sur lequel le manteau de la comtesse avait été placé, il prit le vêtement moelleux, le déplia, et le regarda longtemps dans une contemplation muette. Qu'y apercevait-il donc? Pourquoi ses yeux brillaient-ils en ce moment d'une ardeur passionnée? Ce qu'il y apercevait. La tête charmante de Faustine s'élevant au-dessus de la riche fourrure. Ses formes divines vaguement dessinées par les plis de l'étoffe. Ses belles mains sortant de dessous le satin et la soie. Tout à coup, Mario jeta autour de lui un regard rapide, comme pour s'assurer qu'il n'avait pas de témoin de sa folie. Et ne se possédant plus, il pressa le manteau contre son cœur, il le pressa contre ses lèvres, puis, honteux de sa faiblesse, il l'écarta de lui brusquement et le jeta sur le fauteuil où il l'avait pris. Après quoi, il s'assit devant son bureau et essaya d'écrire, mais les images qu'il ne pouvait chasser passaient et repassaient devant ses yeux. Malgré lui, il tourna la tête vers le manteau de Faustina. Il le vit étendu sur le parquet où il était tombé, en glissant dessus le fauteuil. « Ah, ce n'est point là ta place !» s'écria Mario. Il le reprit et le plia avec soin, le posa sur ses genoux et recommença la lettre qu'il écrivait à son père au sujet de Charlotte. Sous l'empire des émotions qui l'agitaient, il mit dans ses recommandations en faveur de la jeune fille une chaleur, une éloquence qui lui garantissaient une réponse conforme à ses vœux. Mario était content de sa journée. Il avait vu Faustine. Il s'était longtemps entretenu avec elle. Il avait l'occasion de la servir. Plein de joie et d'espoir, il se mit au lit, en ayant soin d'arranger sous sa tête le manteau de Faustine, et sur cet oreiller voluptueux, les songes les plus doux vinrent enchanter son sommeil. Le matin du même jour, Clément se réveilla de bonne heure, mais la tête pesante, comme un homme qui a dormi du lourd sommeil de l'ivresse. Telle était la confusion de ses idées, qu'il ne se rappelait rien des événements de la nuit. Cependant, après avoir rêvé, il sonna d'une main encore tremblante, et son domestique, grand et épais allemand qu'il avait amené avec lui d'Oberwaldorf, entra dans la chambre. « Jean, lui demanda Clément, qui est-ce qui m'a accompagné ici cette nuit? Suis-je revenu tout seul ?»« Seul, non, pas précisément. Qui donc m'a ramené ?»« C'est un Yagre et un autre homme en livrée, mais je ne les connais pas. » Car c'est la première fois que cela vous ramène au logis. Quand je dis ramène... » Ici, Jean s'arrêta et donna à sa figure une expression facétieuse. Clément baissa les yeux. « J'étais donc malade ? » demanda-t-il. « Malade ? Non, pas précisément. Enfin, dans quel état étais-je ? Vous étiez, vous savez bien, là, comme qui dirait, dans les vignes. » Et Jean, se dandinant sur une jambe, souriait à son maître d'un air paterne et indulgent, un homme qui comprend et excuse chez un autre de pareille faiblesse. « Juste ciel !» s'écria Clément. « Et j'étais chez elle. Je l'ai attendue, je lui ai parlé. Et j'étais ivre. Oh, c'est impossible ! Suis-je donc changé à ce point de corps et d'âme ? Ne suis-je plus capable de supporter un verre de vin ? » « Rassurez-vous, mon gracieux maître, » repartit Jean. « Mais je crois, oui, m'est avis que vous en aviez bu plus d'un. » Clément s'habilla l'âte et courut à l'hôtel de Mario. Il haïssait le comte, mais il voulait savoir de lui s'il avait quelque obligation, et surtout si, par ses manières et son langage, il n'avait pas offensé Faustine. Mario n'était point encore levé. Clément insista pour être admis. Il fit tant qu'il pénétra jusque dans sa chambre à coucher, et la première chose qu'il remarqua fut le manteau de la comtesse. Il le reconnut aussitôt et resta comme pétrifié à cette vue. Cependant, Mario, ainsi réveillé soudainement par cette visite inattendue, ne songeait pas au manteau de Faustine. Frappé de la pâleur de Clément et de l'altération de ses traits, il s'imagina que celui-ci venait lui demander raison de sa conduite de la veille. Il voulut donc aller au-devant de l'explication, et comme le baron semblait trop ému pour articuler un mot, il prit le premier la parole. « Monsieur le baron Waldorf, mon procédé hier soir à votre égard, monsieur le comte, » interrompit Clément, tremblant de rage, et en étendant la main vers le chevet du lit. « Ce manteau est celui... »« De la comtesse, acheva Mario d'un ton calme, mais en rougissant au souvenir de son imprudence. « Et vous osez l'avouer ?» s'écria Clément, les dents serrées et les poings fermés. « Pourquoi ne l'avouerais-je pas, puisque cela est vrai ?» répondit Mario en conservant le même flegme. « Oh, Faustine, Faustine !» dit Clément en se tordant les bras. « En quelle main es-tu tombée ?»« Baron Baldorf !» reprit Mario d'un ton plus ferme. « Hier, j'ai souffert patiemment votre langage et vos façons d'agir. Vous devez comprendre pourquoi. Mais aujourd'hui, il ne saurait en être de même. Veuillez me dire le sujet de votre visite et ce que vous attendez de moi. Je me mettrai aussitôt à vos ordres. » À ces mots, Clément s'arrêta et regarda le comte en face en montrant le manteau. « Je n'ai aucun compte à vous rendre à ce sujet, » reprit Mario. « C'est à la comtesse que j'expliquerai toute cette affaire et vous pourrez, si vous le voulez, être témoin de l'explication. Permettez-moi d'ajouter, monsieur le baron, que j'apprécie, autrement que vous ne paraissez faire, le caractère de la comtesse et le respect qui lui est dû. « Au diable !» dit Clément. « Trêve à vos beaux discours et à vos conseils, je n'en ai pas besoin. » Et il se précipita hors de la chambre, sans écouter Mario, qui, furieux à son tour, le rappelait à grands cris. Il erra d'abord à travers les rues dans un désordre d'esprit impossible à décrire, et, sans savoir comment, il arriva devant la porte de Faustine. Il leva les yeux. Les fenêtres du salon et de la chambre à coucher étaient ouvertes. Il faisait jour chez la comtesse, mais Clément n'osait pas entrer. De quel front soutiendrait-il la présence de la jeune femme? Sur quel prétexte motiverait-il une visite aussi matinale? Il recommença sa course vagabonde à travers les rues voisines, mais sans s'éloigner beaucoup de celle où demeurait Faustine. Il formait mille résolutions qui se détruisaient l'une l'autre. Une seule idée était fixe chez lui, c'était de savoir par quelles circonstances Mario se trouvait possesseur du manteau de la comtesse. Après bien des hésitations, il s'arrêta au dessein de pénétrer chez celle-ci, de l'aborder d'un air indifférent, comme si rien n'était arrivé, et de voir, pour le reste, quelle réception elle lui ferait. Il entra donc. Malgré ses efforts pour se donner une contenance assurée, ses jambes fléchissaient sous lui, et quand il fut introduit dans le salon où Faustine était venue le recevoir, il se laissa tomber sur un siège sans pouvoir articuler un mot. Faustine crut, comme l'avait fait Mario, que Clément était tourmenté par le souvenir de son ivresse de la veille. Elle eut pitié du trouble où elle le voyait et résolut de ne pas s'en apercevoir. « Monsieur le baron, lui dit-elle d'un air aimable, je vous sais gré de votre bonne visite. Je craignais de vous avoir fâché en oubliant hier notre partie de traîneau. Je vois avec plaisir que vous ne m'en voulez pas. Voici ce qui est arrivé. » Alors, elle lui raconta les événements de la journée, comment elle avait rencontré Mario au bal et même comment celui-ci projetait de la conduire en traîneau. Tout cela, simplement, naturellement, d'un ton d'aisance et de franchise. Mais Clément n'était pas disposé à prendre ainsi les choses. Il ne vit là qu'un raffinement d'hypocrisie. Cette idée triompha de son calme affecté. Il se couvrit le visage de ses deux mains et éclata en sanglots. « Bon Dieu, qu'avez-vous, monsieur Clément ?» s'écria Faustine, très alarmée. Clément ne répondit pas et continua de sangloter. Faustine allait se lever pour agiter la sonnette, mais il la retint. « Vous ne dites pas la vérité !» lui dit-il avec force. « Monsieur le baron, » dit la comtesse, indignée. « Vous ne dites pas la vérité !» répéta Clément. « Oui, oui, le masque qui vous couvrait est tombé à la fin. À vous voir, à vous entendre, on croirait que vous êtes un ange envoyé du ciel pour consoler les hommes, mais cette apparence est trompeuse, et sous une enveloppe divine, il n'y a en vous qu'une femme perfide !» Faustine écoutait, muette et immobile d'étonnement. Tout à coup, elle se dressa devant Clément avec une dignité et un air majestueux qui semblait ajouter un pied à sa stature. Sans prononcer une parole, du doigt, elle lui montra la porte, en accompagnant ce geste d'un regard qui exprimait un froid dédain. Puis, avec la démarche d'une reine offensée, elle traversa le salon et entra dans sa chambre à coucher. Clément demeura seul dans le salon. Il était atterré. Une demi-heure s'écoula de la sorte. Faustine avait dédaigné de fermer la porte de sa chambre. Elle s'était assise devant son bureau, se demandant si Clément était ivre comme la veille ou devenu fou. Pour se distraire de l'émotion pénible où cette scène l'avait jetée, elle se disposa à écrire quelques mots de réponse à la lettre de Charlotte. Cependant, Clément gardait l'immobilité d'une statue. Honteux, il se reprochait amèrement d'avoir, par sa violence, donné de nouvelles armes à Faustine contre lui. À la fin, il se hasarda à élever la voix. « Je suis encore là, madame la comtesse, » dit-il humblement. « C'est contre ma volonté, monsieur le baron, » répondit Faustine de la chambre voisine et sans se montrer. Clément quitta le fauteuil où il était resté assis et s'approcha de la porte. « Daignez seulement répondre à quelques questions, » continua-t-il, « et si j'ai eu tort, je saurais m'en punir. »« Vous êtes fou, » répliqua Faustine en posant la plume, « mais parlez. » « Le comte Mengen ne vous a-t-il pas ramené chez vous cette nuit ?»« Oui, dans sa voiture et enveloppé de son manteau. »« De son manteau et le vôtre ?»« Je ne sais ce qu'il est devenu. Ernest devait me le rapporter. »« Il est en sûreté, je l'ai vu il y a 2 heures. »« Où ?»« Me le demandez-vous réellement, comtesse ? Avez-vous le courage de me faire cette question ?»« Et sans doute, monsieur, je vous la fais. » s'écria Faustine avec impatience. « Eh bien, j'ai vu votre manteau dans la chambre du comte Mengen et sur son oreiller. » « J'en suis fort aise, » répondit Faustine, qui cependant ne put s'empêcher de rougir. « Cela prouve que le comte a retrouvé Ernest, sur le compte duquel je n'étais pas sans inquiétude. Est-ce tout ? Votre examen est-il fini ?»« C'est tout, » répliqua Clément, que déconcertait au dernier point le sang-froid de la comtesse. « Alors laissez-moi. » Clément s'apprêtait à sortir à cet ordre et à quitter le salon. Tout à coup, il revint sur ses pas et se jeta aux pieds de Faustine. « Faustine ! Faustine ! » s'écria-t-il avec un accent déchirant. « Ayez pitié de moi ! Ayez pitié de moi ! Vous l'avez dit, je suis fou d'amour et de jalousie. Vous m'avez ôté le jugement et la raison est... » « Le vin n'y est-il pas aussi pour quelque chose ?» interrompit Faustine, devenue cette fois cruelle. « Ah ! » dit Clément, qui se releva à ce mot et tressaillit comme s'il eût été mordu d'un serpent. « Je me retire, madame. » « Je laisse la place à quelqu'un de plus favorisé que moi, au comte Mengen. »« Je ne vous retiens pas, monsieur le baron. »« À celui qui fait parade de votre manteau sur son oreiller. »« Ce manteau n'y est pas allé seul. »« Sortez, monsieur !» dit Faustine, avec son autorité irrésistible. « C'est assez endurer votre insolence. Désormais, ayez à ne plus vous présenter devant mes yeux. » Clément, comme terrassé par l'accent, le regard et le geste de Faustine, voulut balbutier quelques mots d'excuse, mais elle se détourna de lui avec dégoût et répéta avec nouvelle énergie le mot « sortez ». Il sortit. Dès qu'elle se vit seule, elle leva des yeux noyés de larmes vers le portrait d'Anne Lao suspendu contre le mur et s'écria d'une voix pleine de détresse « Anastase, Anastase, ne reviendrez-vous pas défendre votre Inny contre les autres et contre elle-même ? » Elle parlait encore quand le bruit des pas du comte de Mengen se fit entendre dans l'antichambre. Faustine essuya ses larmes à la hâte et se prépara à le recevoir. Ce qui l'affligeait peut-être le plus en ce moment, c'était de n'oser pas lui confier toutes les causes de son chagrin. La réserve qu'elle s'imposait envers lui ajoutait à sa mauvaise humeur et la réception qu'elle lui fit fut à peine amicale. « Madame, lui dit le comte, je viens vous demander la grâce du pauvre Ernest. »« Sa grâce ? » répliqua vivement Faustine. « Si vous saviez quel désagrément sa faute m'a attiré ?»« Bon Dieu, vous serait-il arrivé quelque chose de fâcheux à cause de lui ?»« Rien, presque rien, » répondit Faustine avec confusion. « Je voulais parler de la sortie du bal. Et qu'est devenu mon manteau ?»« Ah, » pensa Mario, Clément a tout révélé. « Votre manteau ? Je l'ai pris hier des mains d'Ernest, par précaution, car le malheureux était ivre. » Et je vous l'ai rapporté ce matin, il est dans votre antichambre, ainsi qu'Ernest qui attend votre décision. » Alors il raconta brièvement la petite machination dont Ernest avait été victime et l'histoire du Frédéric d'Or. « Je ne veux plus rien avoir à démêler avec les ivrognes !» s'écria Faustine lorsqu'il eut fini. « Je viens d'en bannir un de ma présence. Je prétends aussi chasser l'autre. » « Mais, daignez considérer... » « Non, le baron Waldorf se conduit comme un homme grossier. » Que signifie un procédé pareil au sien ? Séduire un balai, le détourner de ses devoirs, pénétrer chez moi par la ruse et la corruption, c'est indigne. Mais Ernest, le pauvre Ernest, ce n'est pas lui qui est le vrai coupable. Depuis que vous l'avez à votre service, vous n'avez jamais eu rien de semblable à lui reprocher. Ernest, Ernest, prononça Faustine en hésitant. Il se repent de sa faute. Soyez juste et bonne, pardonnez-lui. Eh bien... « Mais chargez-vous de le gronder sévèrement. Moi, je n'entends rien à cela, et je me laisse toujours apaiser. Il est certain que je serais fâché de renvoyer un ancien serviteur, dont j'étais jusqu'ici contente. » Ainsi, grâce à la médiation du comte, cette affaire s'arrangea d'une manière heureuse pour Ernest. Encouragé par ce premier succès, Mario rappela à la comtesse la promesse qu'elle lui avait faite la veille de l'accompagner en traîneau. Faustine, avec sa mobilité ordinaire, était déjà sous le charme de la présence du comte et avait oublié la scène désagréable du matin. Vive et joyeuse, elle se leva et courut à sa toilette, laissant Mario seul dans le salon. Celui-ci la suivit un moment des yeux. Il lui semblait qu'une trace lumineuse marquait chacun de ses pas. Il demeura tout pensif. « Je l'aime, » se disait-il. « Je l'aime, mais elle. Si je lui demandais de s'expliquer nettement, un mot et mon sort est décidé. Faut-il parler? Faut-il attendre encore ?» Mario, plongé dans ses réflexions, ne s'apercevait pas que Faustine était déjà prête et que, debout contre la porte du salon, elle le contemplait en silence avec une expression d'inquiétude. À la fin, elle prononça timidement son nom. Mario tressaillit et leva la tête. « Je n'osais vous tirer de votre rêverie, » dit la comtesse. « Vous étiez peut-être transporté dans un Éden que vous regrettez de quitter. »« J'étais avec vous, » répondit naïvement Mario. Et en prononçant ces mots si simples, sa voix avait quelque chose de tendre et de pénétrant qui ne lui était pas habituel, et dont Faustine fut profondément touchée. Ils partirent pour leur promenade en traîneau. La journée était magnifique, quoique un peu froide. On ne voyait aucun nuage sur l'azur du ciel. Une foule nombreuse remplissait les jardins, offrant un coup d'œil varié et pittoresque. Faustine goûta tout le plaisir qu'elle s'était promis de cette excursion, mais ce qui en augmenta encore le charme pour elle, c'est qu'elle la faisait assise à côté de Mario. Pendant les 2 heures qu'ils restèrent ensemble, Mario continua de lui parler de cette voix douce et tendre qui l'avait si fort émue. Souvent, leurs regards se rencontraient, et chaque fois, Faustine, sans savoir pourquoi, baissait les yeux. « Et maintenant, » lui dit Megan, quand ils furent sur le point de se séparer, « il me faudra encore passer tout un jour sans vous voir. Pourquoi donc ?» répondit Faustine. « Venez ce soir chez Madame von Halo, j'y serai. Je ne le puis. Des visites d'étiquette, des... Ne vous plaignez pas, alors, et n'accusez que vous-même. » interrompit Faustine avec une nuance de dépit. « Moi ?» répliqua le comte. « Oui, vous, qui me sacrifiez à l'étiquette et au plaisir du monde. »« J'irai ce soir chez Madame von Halo, » reprit Mario après un moment de réflexion. Faustine ne répliqua rien, mais elle sourit et ils se quittèrent, charmés l'un de l'autre. Le soir venu, Faustine fut exacte à l'espèce de rendez-vous qu'il s'était donné. Elle arriva la première et attendit. Elle attendit longtemps. Les heures s'écoulaient et Mengen ne paraissait pas. Faustine passa successivement de l'ennui à l'impatience et de l'impatience à la plus vive anxiété. Elle attribua le retard du comte d'abord au devoir de sa position officielle, puis aux distractions qu'il n'avait pu trouver ailleurs qu'auprès d'elle, puis enfin à quelque accident. Elle pensa au ressentiment que Clément devait avoir conçu pour la manière dont il avait été traité. Son imagination, une fois lancée dans le champ des conjectures, ne s'arrêta plus. Elle se figura un duel et toutes les conséquences d'un combat à mort. Accablée par ces images lugubres, elle se laissa tomber sur un sofa et se couvrit le visage avec une de ses mains. On faisait en ce moment de la musique. Les conversations avaient cessé. Chacun écoutait en silence, en sorte que l'attention générale était tournée vers un autre objet. L'attitude et le maintien de la comtesse ne furent pas remarqués. Rien ne vint donc la troubler dans le cours de ses pensées. Les sons joyeux de la musique arrivaient à son oreille comme un bruit importun qui n'avait ni sens ni mélodie. Bientôt, il lui fut impossible de résister plus longtemps aux poignantes émotions dont elle était agitée. Elle méditait de sortir du salon et de se retirer chez elle. Il lui semblait qu'elle souffrirait moins dans la solitude de sa chambre. En ce moment, la porte de l'appartement s'ouvrit avec précaution. Un homme se glissa sans bruit dans la foule, de manière à ne pas interrompre le morceau qu'on exécutait. C'était Megan. Mais Faustine avait jeté si souvent et toujours en vain les yeux de ce côté qu'elle ne les y jetait plus. Elle ne s'aperçut donc pas de l'arrivée du comte et celui-ci, qui l'avait cherché aussitôt du regard, la vit assise à quelque distance en face de lui, le visage pâle et défait, les paupières fermées, dans une attitude pleine de tristesse et d'abattement. Il s'imagina que quelque malheur causait son chagrin, et pour attirer son attention, pour la consoler, pour lui faire savoir qu'un ami était proche et sympathisait à son affliction, il ne trouva rien de mieux que de laisser tomber sa canne sur le parquet. Le bruit troubla le concert. Bien des regards de reproche furent adressés à l'interrupteur, mais celui-ci n'y fit pas attention, car ses yeux ne quittaient point Faustine, Faustine qui venait enfin de l'apercevoir, qui l'avait reconnue, et dont les traits s'étaient comme illuminés de joie et de bonheur à son aspect. « Qu'y a-t-il donc? Que vous est-il arrivé ? » demanda-t-il à la comtesse dès qu'il lui fut possible de la rejoindre. « Rien, je ne vous voyais pas paraître, j'étais inquiète, impatiente, ennuyée. Mais nous n'avions pas fixé l'heure. »« C'est vrai, c'est vrai. Cependant, vous auriez dû la deviner. »